إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ceci étant dit, nous avons vu, chers frères, lors du dernier cours, le songe, le rêve de Youssef alayhi salam, des deux valets ainsi que leur interprétation. Nous allons voir ce soir le dernier rêve évoqué dans cette merveilleuse sourate, qui est le rêve du roi. Puis nous passerons au profit suivant. Le roi a vu en songe sept vaches grasses mangées par sept vaches maigres, et sept épis verts se faisant manger par sept épis secs. Il a donc réuni toute personne susceptible de pouvoir interpréter son rêve sans aucun résultat. Mais bien au contraire, ces mêmes personnes lui ont répondu « Adrath ou Ahlami ». Dans le sens du verset, ceci est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. Et à ce moment-là, le valet qui était sorti de prison s'est rappelé de Youssef a.s. et de la demande qu'il lui avait faite avant de sortir de prison, après que le diable lui fit oublier cette demande. Et ceci, dû à une sagesse d'Allah, qui était le fait que Youssef soit distingué des autres personnes de par sa science, à pouvoir interpréter le rêve du roi. Donc le valet a demandé au roi de l'envoyer à Youssef et il lui a garanti que Youssef a.s. pourrait lui interpréter son rêve. Le roi accepta. Et quand le valet arriva devant Youssef, il lui dit « Youssef, ayyuha as-siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman, ya'kuluhunna sab'un ijaf, wa sab'i sumbulatin khudrin » Donc, dans le sens des versets, ô toi Youssef, le véridique, donc ceci est ce que le valet a dit à Youssef, alayhi salam, ô toi Youssef, le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse que mange cette vache maigre, et cet épi vert et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent. Puis il dit, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent. Car le roi et ceux qui étaient avec lui étaient impatients de connaître la signification de ce songe. Donc Youssef a.s. l'a informé que les vaches grasses et les épis verts étaient les années d'opulence, alors que les vaches maigres et les épis secs étaient les années de disette et de pauvreté, qui allaient succéder aux années d'opulence. Après cela, Youssef leur a recommandé de profiter durant les années d'opulence pour semer plus de plantations que d'habitude. Comme à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit « Tazra'ouna sab'a sinina da'aba » dans le sens « Alors Youssef dit « Vous sèmerez pendant sept années consécutives » puis il leur dit « Fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun » Donc dans le sens des versets, tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le dans son épi, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite sept années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie. Et iront au pressoir. Parmi les profits de cette histoire, il est le fait qu'il incombe au serviteur d'être juste envers ses enfants. Et même s'il aime un de ses enfants plus que les autres, il doit essayer de dissimuler cet amour autant qu'il peut, Et cet amour qui porte à un de ses enfants plus que d'autres ne doit pas le pousser à le favoriser parmi les autres. Car ceci est plus à même de rendre ses enfants bons et bienfaisants envers leurs parents et d'éviter toute animosité envers eux, envers les frères et sœurs. Et c'est pour cela que quand les frères de Youssouf ont vu l'amour intense que Yaqub portait à Youssouf, ils ont tout fait pour les séparer l'un de l'autre. Et ils ont dit, « La Youssoufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dalali mubin. Uqutulu Youssoufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. » Dans le sens des versets, quand ceux-ci dirent, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Donc dans ce verset, il est clairement stipulé que la raison qui a poussé les frères de Youssouf à séparer Yaqub de Youssouf par tous les moyens est le fait qu'il l'a favorisé à eux par son amour. Et ceci contrairement à ce que beaucoup de Mufassirin ont évoqué, quand ils disent que cette jalousie est due au fait que Youssouf a informé ses frères du songe qu'il avait fait. Et ceci contredit totalement le Coran et donne une mauvaise opinion du prophète d'Allah Youssouf a.s. Car son père Yaqub lui a ordonné de ne pas divulguer ce rêve à ses frères. Il dit, donc c'est-à-dire Yaqub, à travers la parole d'Allah, « Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, fayakidu laka kayida » Dans le sens du verset, « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision, donc ton rêve, à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. » Parmi les profits de cette histoire, il y a aussi l'exhortation de se prémunir d'une chose qui peut nous porter préjudice. D'où la parole de Yaqub, alayhi salam, évoquée précédemment. « Ya bunay, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika » Donc le serviteur se doit de se prémunir contre tout préjudice, tout mal, et si malgré ça, ce mal devait l'atteindre, il n'aurait aucun reproche à se faire à lui-même. Parmi les profits tirés de cette histoire, il y a aussi la mise en garde contre les péchés et les désobéissances, surtout les désobéissances qui engendrent d'autres désobéissances, comme ce qui est arrivé aux frères de Youssouf, alayhi salam, le fait qu'ils aient voulu faire un péché, qui était de séparer Youssouf de son père, les a poussés à en faire d'autres, que cela soit vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de leurs parents, ou vis-à-vis de Youssouf lui-même, sans compter leurs mensonges répétés. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont demandé à leur père, Yaqub, de demander à Allah qu'il leur pardonne. Comme dans le verset, « Qalou ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in » Dans le sens, ils dirent, donc c'est-à-dire les frères de Youssouf, « Ô notre père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Parmi les profits aussi de cette histoire, il n'y a que la situation du serviteur qui doit être pris en considération et la finalité, et non le début. Car si on médite sur la situation des frères de Youssouf, on voit qu'ils ont commis plusieurs crimes, plusieurs péchés. Par contre, au final, ils se sont repentis. On demandait à Youssouf de les excuser, ainsi qu'à leur père, et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir et leur a pardonné. Al-a'malu bil khawatim. Parmi les profits aussi de cette histoire, il y a que la sincérité envers Allah est la plus grande cause pour acquérir tout bien et se débarrasser de tout mal. Comme Allah le dit en parlant de Youssouf, alayhi salam, quand il a refusé de succomber aux avances de la femme de l'Aziz, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَى إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Donc dans le sens du verset, ainsi nous avons agi pour écarter de lui, donc de Youssouf, le mal et la turpitude. Il est certes un de nos serviteurs élus. Parmi les profits aussi, tirés de cette histoire, il y a le fait qu'il incombe au serviteur de s'écarter et de s'enfuir de tout ce qui peut le mener vers les tentations, comme Youssouf a fait quand la femme de l'Aziz a essayé de le séduire. Il y a aussi, parmi les profits de cette histoire, le fait qu'Allah a octroyé à Youssouf une grande beauté, qui a d'ailleurs rendu la femme de l'Aziz amoureuse de lui. Et quand les femmes l'ont vu, c'est-à-dire les femmes qui ont été invitées ensuite par la l'épouse de l'Aziz, elles se coupèrent les mains. Naam, Allah dit, en relatant ce que les femmes invitées ont dit, قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. Donc en voyant Yusuf, ils ont dit, قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Dans le sens du verset, lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent حَاشَ لِلَّهِ. Et حَاشَ لِلَّهِ, ici, c'est une parole qu'on dit lors d'un étonnement. Puis elles dirent, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Parmi les profits aussi, tirés de cette histoire, il y a le fait que le serviteur doit demander le refuge auprès d'Allah par peur de tomber dans les tentations des péchés, tout en patientant et en s'efforçant de s'en éloigner. Comme a fait Yusuf a.s. en implorant l'aide de son Seigneur quand il fut tenté par les femmes invitées par l'épouse du Aziz. Et Yusuf a.s. dit à travers la parole d'Allah, « وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ » Dans le sens du verset, « Et si tu ne m'écartes pas ?» Donc ici, c'est ce que Yusuf a.s. demande à Allah. « Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, naam, ou des pécheurs. » Car le serviteur n'a ni puissance, ni force, ni infaillibilité, si ce n'est par Allah. Donc il lui incombe de faire ce qui lui a été ordonné. Donc il incombe au serviteur de faire ce qui lui a été ordonné, de délaisser ce qui lui a été interdit et de patienter face à ce qui lui a été décrété de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme épreuve et comme chose détestable. Parmi les profits, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de mal à demander l'aide et le secours d'une créature dans les choses habituelles, si cette créature a la capacité de nous venir en aide, que cela soit à travers un geste ou à travers une parole. Comme l'aide que Yusuf a.s. a demandé au valet qui était avec lui en prison avant qu'il en sorte, quand il lui dit à travers la parole d'Allah, « Udhkurni inda rabbik » dans le sens « Parle de moi auprès de ton maître ». Parmi les profits aussi, il y a le fait d'utiliser les causes nécessaires. Ah oui, il y a le fait d'utiliser les causes nécessaires pour se prémunir et se protéger du mauvais œil ou autre mal est autorisé ou préférable selon les situations. Même si toute chose fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois, il est obligatoire pour le serviteur de faire ses causes tout en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand Yaqub alayhi salam a voulu faire des recommandations à ses fils avant d'envoyer avec eux leur frère Benyamin, il leur a dit à travers la parole d'Allah, « Ya baniya, la tadkhulu min babin wahidin, wa dkhulu min abwabin mutafarriqa, wa ma ughni ankum min Allah min shay, in il hukmu illa lillah. » Dans le sens des versets, il dit, donc ici Yaqub, en faisant ses recommandations donc à ses enfants, à ses fils, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance. » Donc, Sharia, la législation exhorte aux causes utiles, tout en implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceci a été rapporté à travers la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. » Dans le sens du hadith, « Sois assidu à ce qui t'est bénéfique ou utile et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. » أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما كما أسأله أن يتوفانا على الكتاب والسنة وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.